connais son regard par cœur. À votre avis, c'est grave, docteur, je pense à elle. Son charme m'a contaminé. Est-ce contagieux, vous croyez? Si je pense à elle. J'ai des poussées de fièvre à outrance. Faites-moi vite une ordonnance, car je pense à elle. C'est sûrement une épidémie ou un simple grain de folie, mais je pense à elle. Par les temps qui courent, c'est courant, je suis sujet aux sentiments. Je pense à elle. Tant j'ai pris des précautions pour éviter toute affection. Or je pense à elle. Il faut me mettre en quarantaine, c'est trop dur passer la trentaine, de faire comme tel. Si jamais elle venait vous voir, les mêmes symptômes notoires, faites pas de zèle. Si vous êtes tenu de vous taire, une entorse non réglementaire serait pas mortelle. Et votre secret médical deviendrait sans le moindre mal polichinelle. Je ne vous en tiendrai par rigueur si vous lui disiez par erreur que je pense à elle. Par contre, je vous en conjure, ne guérissez pas ses blessures au nom du ciel. Dites-lui que ce qu'il lui faut, c'est tout juste un peu de repos. Soyez formel. Prescrivez-lui un petit remontant qu'elle passerait prendre en descendant dans la ruelle. Moi, j'attendrai sagement assis aux portes de la pharmacie la demoiselle. Et en guise de médicament, je lui soufflerai doucement que je pense à elle. Et en guise de médicament, je lui soufflerai doucement que je pense à elle.